Le président Moufouette est un homme qui est très prestigieux, qui a beaucoup fait pour son pays depuis des années. Mais il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que la jeunesse actuelle, tous ces jeunes qui sont dans les lycées, même dans les universités, et même pratiquement un certain nombre de cadres qui aujourd'hui travaillent, ceux-là considèrent avant tout le résultat économique et les problèmes qu'ils ont en face d'eux. Et je ne pense pas que ceux-là vont se contenter des arguments passéistes. Comment expliquer ces remous maintenant, alors que la Côte d'Ivoire a donné l'illusion de la stabilité pendant des dizaines d'années, et pourquoi ces bouleversements maintenant? Non. Mais ce n'est pas une illusion. Pendant des années, la Côte d'Ivoire a été un pays stable. Et maintenant, il y a beaucoup de facteurs qui se conjuguent, qui s'additionnent. C'est d'abord le fait que le président a un certain âge maintenant. Et puis le fait qu'il y a une crise économique très grave qui affecte toute la région et pour ne pas dire tout le continent et tous les pays du tiers-monde. Et ensuite, la chute des prix des matières premières, tout cela se conjugue au même moment. Donc il y a des facteurs à la fois politiques, économiques et des facteurs sociaux, parce que la jeunesse ivoirienne qui, pendant de nombreuses années, notamment ceux qui ont fait des études universitaires, qui sont des cadres, une fois qu'ils sortaient, ils étaient assurés d'avoir du travail. Depuis la fin des années 70, début 80, et beaucoup de ces jeunes ne trouvent plus d'emploi directement. Et donc il y a là une situation explosive. En fin de compte, on le voit, le résultat de cette fièvre démocratique en Côte d'Ivoire ne sera donc pas le départ du père de la nation, mais une réforme institutionnelle d'une certaine ampleur. Deux dispositions dominent ce texte du 30 avril 1990. La première légalise les partis d'opposition. La deuxième crée un poste de Premier ministre. Réaction du secrétaire général du Front populaire ivoirien, FPI, Laurent Gbagbo.